bien, ça va. Et j'ai les schmitts dans les pages. Je me sens pas chez moi, ici ou là-bas. Comme faut faire du joueur, Caribe, il faut qu'on se barre. On m'a boycotté, ma liche c'est la vie. J'suis des gars sans l'oseille, personne me tend la main. Ma vie c'est un film, j'vais te la raconter. Dans les rues de ma ville, je rôde et je fume tous les soirs. Y'en a marre, moi aussi j'veux ma part. Mon compte au Bahamas, je vis dans mes rêves. Tristesse dans ma mélodie, ils voudraient que je crève. Donc j'ai sorti les crocs, et moi j'suis toujours dans mon bateau. Les plans comme nous, mama. Faut faire de l'amour, là, de la maille. Ce putain de wood a gâché ma life. J'ai des mauvaises idées, mais bon, faut naviguer. Pour faire ses décider, mais mes proches m'ont pas aidé. J'veux pas me noyer, la prison l'est condée. Moi j'vais briller, quand regarde mes films au ciné. J'suis la star de ma vie, comme l'étoile de Brasilia. J'suis même pas chez Patti. Chez moi, ici ou là-bas, donc faut faire du joueur. Caribe, il faut qu'on se.